pourrait faire un beau voyage en votre compagnie. Partir sur un voilier tout blanc, y prendre l'eau comme un oiseau. Nous écouterions enlacés le joli vent des alizés, jouer de l'or dans le Beaupré, et les dauphins nous accompagnent. La main de Dieu veille sur nous, en écartant tous les naufrages, sauf celui qui me mène à vous, et qui est doux, si doux, si doux. Je voudrais faire un beau voyage en votre compagnie. Voguillon des vents légers qui gonfleraient toutes nos voiles. Allez aux îles sous le vent pour y goûter l'enchantement d'un tout nouveau et beau printemps. Et c'est parfois qui enivrant. Le soir à la lune complice, dans les lagons si scintillants, oubliant la vie et le temps, nous nous aimerons tendrement. Je voudrais faire un beau voyage en votre compagnie, parcourir tous les océans, guider aux caprices des vents. Parfois un îlot verdoyant, au beau palmier si frémissant, et ça que de sable blanc nos accueilleurs complaisamment. Sur cette plage ensoleillée, comme un joyau dans son écrin, un corallé me tend les bras, et je ne puis vous résister. Je voudrais faire un beau voyage en votre compagnie. Soudain, si enchanteur nous invita à nous arrêter, nous amènerons la grand voile, nous descendons vers l'escale, où de bien jolies veillées viendront nous cèdre de bouquets. Nous irons tendrement danser à la fête pour nous donner. Bien sûr, vous serez la plus belle, et puis surtout ma préférée.